Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Youssoupha. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Youssoupha, c'est maintenant sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap entre 20h et 21h. Et c'est parti avec Youssoupha qui est là pour ce dernier Planet Rap. Ouais. Comment ça va? Pépèrement posé. En pleine forme. On vient nous apporter des boissons. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ray. Ray. C'est les nouvelles boissons énergisantes. Alors 100% naturelles. C'est-à-dire qu'avant les autres boissons, c'est les trucs, tu prends que des produits chimiques dans le corps. Grave. Et là c'est que je suis en train de dire, j'ai une petite présentation avec du citron, des fraises, du vrai raisin. On célèbre déjà. En plus ce soir je reste avec toi jusqu'à la nocturne. Oui, donc il va falloir qu'on tienne. On va célébrer. Merci en tout cas à l'équipe de Ray de nous avoir mis bien. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes de Ray Charles. Ouais. Pour être dans le thème. C'est ça, mais en même temps je me disais, il y a une ressemblance. Hier je regardais le live hier soir. Ouais, non, il y avait un côté Stevie Wonder. Il y avait un côté Stevie Wonder hier. Parce qu'il est souvent tressé, tout ça. Il y avait un petit côté Stevie Wonder et ce soir, donc l'ambiance. J'aimerais bien avoir sa carrière. Bah, pour l'instant tout se passe bien. Mais c'est vrai que. J'ai un peu de marge. On se reverra d'ici 20-30 ans. Ouais, j'ai un peu de marge. Bon, est-ce que ça va bien pour cette dernière, Youssoupha? Ah, je suis très content. On a passé la semaine à être à la radio, à la télé, dans la presse. On va continuer, mais franchement, les retours sont excellents. D'ailleurs, j'ai pas l'occasion de vous remercier nominativement, mais c'est un truc de fou. Les retours, franchement, sur cet album-là, Fred, c'est un truc de fou. Je sais même pas si sur un de mes albums, j'ai eu autant. Bah, le précédent, quand même, aussi, Noir Désir. C'était dingue, beaucoup. Mais après, peut-être que j'ai la mémoire qui flanche, mais c'est un truc de fou. Là c'est. Genre, ouais, il y a cet album-là, il n'y a rien d'autre. Enfin, des trucs qui gonflent l'ego. Voilà, mais je suis content. Parce que moi, je voulais vraiment bien faire. J'ai mis pas mal de concepts. Et voilà. Et d'ailleurs, justement, en parlant de concepts, il y en a un dans l'album. Ah, je n'ai plus rien à faire. Non, mais grave. Je pense que tu peux faire l'émission tout seul. Transition man. Je pense que tu peux faire l'émission tout seul. On a gardé le suspense ensemble. On en a parlé un petit peu. Je pense qu'il y a des gens qui ont grillé aussi le truc. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont grillé le truc aussi. Ouais. En fait, c'est parti. C'est encore une bonne idée. C'est vrai qu'autour de cet album, voilà, il y a eu les concerts sauvages la semaine dernière. Les expos. Il y a eu le partage d'entourage, l'appli. Et puis, l'appli, on va en parler d'ailleurs. Il y aura aussi des questions de l'appli. Si je les retrouve, je les ai mis quelque part. Où est-ce que je les ai foutus? Ouais, tu vas les retrouver. Je perds un peu tout à chaque fois. Donc l'appli, on en parlera. Mais donc c'est vrai, il y a un morceau. Ouais. Ça c'est une première mondiale. En plus, particulier. C'est vrai, hein. Et ouais, j'ai l'impression que personne n'a fait ça. Moi, j'ai pas le souvenir. C'est un morceau qui s'appelle Point commun. J'aimais bien ce que j'avais fait dessus, mais je me disais, j'aimerais bien rajouter une espèce d'intervention de quelqu'un et je savais pas qui. Il y a plusieurs styles de rap. Est-ce qu'on rajoute un truc plus rue, un truc plus lyrical? Et puis je me suis dit, je vais faire un morceau avec plein de gens. Et puis je me suis dit, ça va être balourd. Et puis finalement, je me suis dit, je vais faire des invités alternatifs. C'est-à-dire que selon l'exemplaire physique, c'est-à-dire le CD que vous achetez à la Fnac, à Auchan. Et pareil pour les téléchargements aussi, c'est pareil? C'était un peu plus compliqué. C'est plus complexe. C'est un peu plus compliqué. Donc pour les téléchargements, on n'a pas fait les shows. Selon l'exemplaire sur lequel vous tombez. Vous tombez jamais sur le même invité. C'est ça qui est dingue. C'est aléatoire. Tu sais pas toi où. Même moi, pour te dire, même on a prévu de les passer ce soir dans la nocturne. Dans la nocturne, les 5. En fait, il y a 5 invités. Exactement. Mais même moi, au moment où on se parle là, j'ai même pas pu récupérer les 5 parce que même nous, on sait pas c'est lesquels. Une fois que c'était lancé, c'est totalement aléatoire. C'est à dire que même dans le même magasin, tu peux avoir aussi des. Tu peux acheter un disque, tu tombes sur Medine et tu le rachètes, tu tombes sur Medine encore. Ou alors Lino. Ou Lino. Ou Alonso. Ou Sam's ou This Is, tu vois ce que je veux dire? Et par exemple, Medine me disait, putain, j'ai prié pour tomber sur ma version et je suis tombé sur ma version. Ah, il est tombé sur sa version. Et Sam's, s'il voulait tomber sur sa version, il est tombé sur Medine. Mais tout le monde tombe sur Medine. Il y a beaucoup la version Lino. Et puis, ce qui est bien, c'est que maintenant, je vois. Enfin, ça a été fait à égalité d'ailleurs, justement, la répartition à peu près. Ouais. Vraiment, je crois qu'ils m'ont expliqué un peu le principe. Je crois sur des boîtes qui sont mises en magasin de 25, il y a 5 exemplaires de chacun. Donc voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que on m'a fait des remontées par rapport à l'appli et tout, et sur les forums sur internet, apparemment il y a un truc, tu te rappelles les images Panini, il y a un truc qui s'échange et tout ça là, qui m'échange le Alonso contre le Sam's, le DC's contre le Medine, le Lino, etc. Et ça crée une super émulation. En tout cas, ce soir vous écouterez tout à l'heure à partir de minuit, juste après Difool, les 5 versions. Les 5 versions, je viendrai célébrer bien. Il y aura encore du Ray tout à l'heure, je pense, et il y aura peut-être même des choses qui vont avec. Ouais, voilà, tu vois, on va prendre des accompagnements parce que là on est très léger. Il faut tenir jusqu'à 21h, mais à partir de minuit. Et donc voilà, donc point commun ce soir. Il y en a plein qui avaient grillé quand même le concept, parce qu'au début ils se disaient pourquoi Sam s'il n'est pas dans l'album, et d'autres disaient mais si il est sur l'album, et de quoi, tu sais, c'est chelou. Et donc voilà. Et bah allez-y, dites-nous, vous qui avez l'album, alors l'album en support physique, si vous voulez acheter, quelle version vous avez à la maison et avec le hashtag Youssoufa sur Skyrock, dites-nous un petit peu ouais, si vous avez aimé Dean, Nino, Sam, This Is, etc. Et puis à mon avis, comme le morceau en plus il a des bons retours, on ne sait pas, on va voir encore, peut-être qu'on fera des versions, on mettra encore des gens, tu vois, ça vaut la peine de laisser tourner. Juste avant de débuter, il y a beaucoup d'invités qu'on va présenter dans un instant, on passera aussi Smile d'ici quelques minutes, mais on a préparé un petit replay de ce qui s'est passé durant cette semaine, parce que c'était une semaine vraiment, alors c'était très dur hein, de le faire, c'était compliqué parce que c'était une grosse semaine avec Youssoufa. Il faut te supporter. Mais on a quoi, 3-4 minutes de résumé de cette semaine, 4 minutes de résumé de cette semaine avec Youssoufa, écoutez. On écoute tout ça. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. T'avais jamais entendu de rap français. T'avais jamais entendu de rap français. Yeah, t'avais jamais entendu de rap français. T'avais jamais entendu de rap français. T'avais jamais entendu de rap français. T'avais jamais entendu de rap. Y'a trop de force dans ma destinée. Trop de patates à Skyrock dans ma destinée. Trop de patates à Skyrock dans ma destinée. Et c'est ça même. C'est ça même. Ok, on nous reproche les mêmes colères, les mêmes vu tu t'aimes. Moi je fais du rap populaire dans tous les sens du terme. Nos esprits sont descendus à force de les réduire. Alors nos speeches ne seront entendus qu'à force de le dire. On nous reproche les mêmes colères, les mêmes vu tu t'aimes. Moi je fais du rap populaire dans tous les sens du terme. Nos esprits sont descendus à force de les réduire. Alors nos speeches ne seront entendus qu'à force de le dire. Est-ce qu'il y a du monde à Skyrock ce soir? Il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de tendance irrémédiable. Yeah, les sentences sont inégales. Je fais du rap, est-ce que t'entends? Est-il grand? Yeah, ok. Spécial pour Indy là. Ok. Yeah, dreaming. Y'a cette voix qui revient pour vous dire tout mon amour. Yeah, pour vous dire tout mon amour. DJ Miss pour vous dire tout mon amour. Planet Rap. On se connaît, non? Yeah, on se connaît. Youss, on se connaît. Yeah. Youss, on se connaît. Je peux pas t'oublier, mon frère. Yeah, je peux pas t'oublier, mon frère. Yeah. Dédicace à Que Black, dédicace à Naza. Fils Mehdi sont dans la place. Yeah, une spéciale pour l'équipe Boma et Musique. Tout le monde avec moi. La la la la. Je vous entends pas. Je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes de la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, maîtresse sur ton portrait. Mon cœur qui fait boum, désormais je me sens prêt. Alors je te chante. Pitié, toi mon amour. Oh, pitié. Ça fait plaisir d'entendre le daron sur Skyrock. En vrai, on kiffe en fait. Chante papa. Pitié, toi mon amour. Chante papa. Ok. Yeah. Je travaille nuit et jour pour ton sang. Ok. C'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Ça tourne comme un sample de Paris à Dakar. L'amour nous manque, prend ce texte comme une sadaka. On reste calme avant le carnage qui m'aime me suivre. Je cherche la paix pour mon karma, moi-même je suis bipolaire entre poèmes et vulgarité. Je dis que mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage. Qu'ils l'enverront à 3 personnes de leur entourage. Qu'ils l'enverront à 3 personnes de leur entourage. Qu'ils l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Tous inégaux, tous énervés. C'est pour ma tante et tout le travail ingrat qu'elle a fait pour nous élever. C'est pour les femmes qui m'ont pas laissé souffrir. Qui m'ont vu quand j'étais en larmes et m'ont redonné le sourire. Refrain. You make me. Ça même. You make me. Smile. You make me. Smile. Smile. Smile. You make me. Smile. You make me. Smile. You make me. Smile. Smile. Smile. You make me. Smile. You make me. Smile. You make me. Smile. I don't have no more. Yeah. L'émission rap de référence, c'est Planète Rap sur Skyrock. Voilà, spécial, on a mis que du live, hein, parce que sinon c'était compliqué, il fallait encore 20 minutes. Tout blabla en plus. Pour tout résumer. Ah bah j'ai beaucoup de titres. Eh hein. Bah il y a des super titres, regarde les messages aussi qui arrivent, Négritude, vraiment bon ce nouvel album, c'est Kinosis qui nous envoie ça. Alors, qui nous dit aussi, j'ai la version avec Lino, j'ai vu une version Alexandre, j'ai Alonso, moi. Alors il y a plein de messages qui sont passés, continuez. Ouais, à nous dire les puisque les sur versions. Cet album, on vous le disait il y a quelques minutes, il y a un morceau qui s'appelle Point Commun. Exactement, et j'ai vu un peu. Il y a 5 versions. Ouais, les points communs que j'ai avec chacun d'eux. Et voilà, c'est pour ça que je les ai mis et tout. Non, il se passe beaucoup de choses. Il y a aussi un clip qu'on lâche tout à l'heure là. J'ai dit si jamais il y a 500 retweets sur le dernier tweet que j'ai mis sur mon Twitter. Et on a combien sur musique. Là, on doit être à 300 et quelques. C'est tout. Ouais, je sais plus. Attends que je. Peut-être que les gens veulent pas le clip. Les gens ils vont le vouloir. T'inquiète pas, ils vont le vouloir. Ok. Si les gens peuvent t'écouter, je pense que les gens peuvent vouloir d'autres clips. Et bah allez-y balancer là dans. Ouais, il y a 324 retweets. Retweeter. À mon avis, d'ici la fin de l'émission, continuez à pousser. C'est sur mon Twitter. Vous allez sur le Twitter de Youssoupha Music. Vous retweetez. Et si on arrive à 500, je vous lâche le clip. On fait ça depuis ce matin comme des gamins. On monte la barre à chaque fois. Et voilà quoi, faites-vous plaisir. Allez, on débute avec le morceau Smile sur Skyrock, le Planète Rap. Et après, on présente les invités. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de blagues de prévu. Beaucoup de gens de la nouvelle génération, c'est spécial, chanson française. Smile, c'est Extrême Négritude avec Youssoupha maintenant. Laisse tourner le son. Où sont les sourires au pied de nos tours? C'est pour les rêveurs qui ont des nuits plus belles que nos jours. Lyriciste pente. C'est ça même. Refrain. You make me, you make me, you make me smile. You make me, you make me, you make me smile. You make me, you make me, you make me smile. And in a little while, I don't have no more tears to cry. Y'a tous ces rêves que je promène. Plaid d'arrêt mon accent. J'ai pas réglé mes problèmes. Les coups j'en ai fait 400. J'ai pas tenu les promesses. Perdu dans mes passe-temps. Et quand les autres progressent, j'ai l'impression d'être absent. Tout ça n'a pas de sens et ça me donne le tournis. Comment régner parmi les araignées? Je suis une fourmi, mais toujours mon sale orgueil qui résonne comme un écho. Je sais pas si j'ai mal à mon cœur ou mal à mon égo. Tous inégaux, tous énervés. C'est pour ma tante et tout le travail ingrat qu'elle a fait pour nous élever. C'est pour les femmes qui ont apaisé mes soupirs, celles qui m'ont croisé en larmes et m'ont redonné le sourire. Refrain. Échappe à certains, pourtant il parle à d'autres. Et plus le bonheur me tend la main, plus je suis parano. À nos actes manqués, à nos embouteillages, à nos joies tourmentées, à nos coups de théâtre. Et y'a tous ces moments où je décroche, où je pense à me retirer. Je pense aux reproches et à mes proches quand mes défauts remontent. Si j'aime autant mon fils, c'est pas seulement pour ceux qu'il aime, mais aussi pour ceux que je suis depuis qu'il est venu au monde. C'est pour mon grand frère dans le deal, pour tous ses conseils, pour tous ces gens qui m'ont fait grandir à travers les concerts. C'est pour les sœurs qui m'ont pas laissé souffrir, qui m'ont vu quand j'étais seul et m'ont redonné le sourire. Refrain. Maman, on garde le sourire et on brille même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on brille même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on brille même dans les pires moments. J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on brille même dans les pires moments. And C'est Smile et le clip qui est arrivé aussi, hein, le clip de Smile. Le clip tourné au Brésil. Tourné au Brésil. Grave. Très beau clip tourné au Brésil. Très beau clip tourné par Vladimir Boudnikov. Un russe. Qui a un nom qui torture, mais qui est un beau gosse qui est aussi dans les studios. Vladimir, je te dédicace ce clip parce qu'il est magnifique. Tu m'as mis bien. Tout très beau clip. Beau, magnifique. Avec Émilie qui est passée aussi cette semaine. Exactement. Du groupe Madame Monsieur. On a eu grave de la force. On a eu grave de la force. Et puis le Brésil, quand même, quel pays. Et puis le Brésil, c'est incroyable. Moi j'ai aimé. Quelle chance. Tu vas te calmer. Imagine les voyages que tu fais. Il est fou ce gars. Tu fais les voyages. On peut présenter mes invités, s'il te plaît. Allez, présentons les invités parce qu'il y a du monde et il y aura donc. C'est quoi un gros live sur une même instru, c'est ça, non? Ouais, parce que j'ai fait le morceau chanson française. Je reprends pas mal de phrases classiques dans le morceau chanson française. C'était une bonne prise de tête, on en a parlé. Dans la semaine. Et puis à la fin, comme je voulais pas trop qu'on soit dans un délire, le rap c'était mieux avant, parce que je n'y crois pas du tout à cette maxime là, surtout que nous on nous a laissé notre chance, ça fait un truc d'aigri, genre en fait nous on a réussi, on a eu la chance d'accéder justement à Planète Rap ou à gagner notre vie, etc. Et on va condamner les plus jeunes, etc. Moi je suis pas d'accord, et puis voilà, et donc quand j'ai fait mes précédents Planète Rap, on essayait toujours de ramener des grosses têtes histoire de faire le buzz, etc. Là voilà, moi je voulais visiter des gens que justement je trouve qu'on voit pas assez, donc j'ai pas pu tous les inviter, parce qu'ils sont pas tous là. Dédicace à Tito, dédicace attends, à Giorgio. SP, Sam's, toujours les mêmes quoi. Ouais, non mais ils sont juste derrière toi. Non mais eux, tu sais quoi, je les compte pas. J'ai l'impression que c'est là que c'est les élèves. Je peux te dire un truc, ils sont pas invités eux. Ouais, eux, ils sont pas invités. Mais ils sont derrière toi, ils parlent, ils sont là, ils t'écoutent même pas. Ils t'écoutent même pas, Youssoufa. Ils t'écoutent même pas, ils sont là, je les vois discuter, ça rigole. Viens, on se concentre sur les vrais gens. Ouais, vous faites votre émission en fait. Les mecs font leur émission tranquille dans le fond là. N'importe quoi, je te jure. En tout cas, voilà, aujourd'hui, il y a du beau monde. Il y a Lefty qui est là. Il y a Alivor qui est là, il y a Jossman qui est là, il y a Siana qui est là, il y a Black Brut qui est là, il y a Lantis qui est là, il y a Mister C qui est là. Je dois en oublier forcément, mais bon, tout à l'heure, quand ils vont passer au micro, de toute façon, vous allez tout le monde se présente. Mais ils peuvent se présenter petit à petit, je te laisse. C'est ton émission en fait. Et bah alors, faisons déjà un premier tour de table avec ceux qui sont déjà installés près de la table. Lefty, ok. Bon, bah déjà, bonjour tout le monde. Ça va bien? Ouais, très bien. Et toi, Fredo? En pleine forme. Cool. Ok, bon, bah moi, c'est Lefty. Membre du label 1-6 Block Prod, vous pouvez retrouver SP dedans. Je tourne beaucoup avec Yous. Je suis allé à pas mal de concerts avec lui. On roule notre boss. Donc j'ai appris pas mal de beaucoup de choses via SP, via Youssoufa, via SP aussi d'ailleurs. Donc voilà, et quant à moi, j'ai sorti une digitape qui s'appelait La Voix du Silence. Mmh. Et là, je suis en train de préparer mon album qui s'appellera All Eyes on Me. Voilà, qui sortira pas chez Detro, mais chez. C'est osé. C'est bien. C'est osé. Ouais, grave. Donc voilà. Ambitieux. Jeu de mots dans Horizon. Il y a un petit jeu de mots. Il y a un jeu de mots. À Yous qui donne la force, justement, comme il dit, comme on n'a pas assez d'exposition, voilà, il donne la force. Donc un grand merci à lui. Voilà quoi. Merci. Bienvenue. Moi, on m'a invité comme ça. Moi avant, je voulais qu'on m'invite à Planète Rap. Les portes étaient fermées. Voilà. Et moi, là, t'as vu, je voulais donner la force. Alivor est là aussi. Alivor. Yes, Alivor. Ça va bien? Bien et toi? J'aime beaucoup sa coiffure, moi, Alivor. J'aime bien ce genre de coiffure. Il y a une tendance. Voilà, exactement. T'inquiète, bientôt j'arrive. À chaque fois qu'il me croise, il me dit c'est quoi tes locks, mais je suis au fond. Non, il arrive. J'ai peur maintenant. Bon, Alivor, on sait, tu fais partie aussi de Dean Records, ouais. Voilà, mes confrères, mes jeans, tout ça. Bon, Maé, c'est la famille. Voilà. Et il y a des choses qui se passent pour toi qui arrivent? Ouais, ça va arriver. Déjà dimanche à 18h au Cabaret Sauvage, je serai avec mon gars Exo sur scène. Faut venir nombreux. Donc dimanche. Contre l'Oxé, on devrait faire un groupe comme ça. T'as compris, non? Gandhi, toi, moi, Exo Jasmine. Tu vois, on va prendre le rap français. Ça va s'appeler Nick les Rasés. Ouais, ça. Les gars comme SP, tout ça, là, ça nous intéresse pas. Voilà, et Sam's qui sont là et qu'on salue. Non mais aussi. Je veux même pas les calculer. Jasmine il est là aussi. Jasmine je l'ai. Ça va bien. Je l'ai vu que sur internet la plupart du temps. C'est pratiquement la première fois qu'on se voit. Mais moi quand je kiffe, t'as vu, je booste les gens, que ça soit sur mon Twitter, sur mes réseaux. Et là t'as vu, je voulais qu'ils viennent. Et voilà. Si. Et bah bienvenue, ça va. Jasmine, Left Sound, la loge. Voilà. Et bientôt aussi des choses qui sortent. Ouais, mon EP Échec Positif sorti le 9 février. sur iTunes, tout ça. Et c'est bon, c'est bon. Mais c'est bon. Ouais. C'est validé. Ah, recommandé et validé par Youssoufa. Grave, grave. Non, mais tu sais, voilà, on va continuer et tout. Mais souvent, les gens, ouais, t'as vu, le rap, il est mort. Parce qu'au fait, ils vont dire, ouais, il y a que de la peutra, il y a que de la trap, tout le monde. Au fait, je pense que les gens qui reprochent ça, ils font même pas eux-mêmes l'effort de chercher. Il y a des alternatives. Tous les gens qui sont là, ils proposent des trucs alternatifs. C'est pas que je suis contre le peutra ou quoi que ce soit. Chacun fait ses couleurs, mais faites l'effort. Les gens, ils disent, ouais, mais t'as vu ce qui passe à la radio. Bah, t'es pas obligé. Pourtant, aujourd'hui, on est à la radio, mais t'es pas obligé de te contenter de ce qui est à la radio. Va écouter. Eh bah, c'est même mieux d'ailleurs de rester dans son, ouais, la radio, univers. La radio, c'est une source, mais c'est une source. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a d'autres sources que je prends aussi. Et les gars que je suis là, voilà, qui sont là, je les connais pas assez. On continue le tour de Black Brut, monsieur Black Brut qui est là. Ero. Qui va sortir d'ailleurs un projet bientôt aussi. Ouais, je sors mon Mister album Ero. le 1er juin. C'est le 1er juin. Ouais, le 1er juin. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller. L'album est déjà en précommande sur iTunes. Donc Black Brut, un rappeur du 91, Corbeil, membre actif du label ISF Records. Donc voilà, un grand big up et un grand merci à Youssoufa qui donne la chance à pas mal de monde. Tu vois, c'est cool de venir kicker ce soir sur son planète rap. Et bah ça arrive dans un instant pour la partie kicker. Ouais, il y a monsieur Franglish qui est là, Mister Franglish. Je vais lui laisser le micro. Pareil, lui, je le connais pas. C'est la première fois qu'on se voit. Mais t'as écouté, c'est pareil. Mist et SP qui m'ont dit, ouais, il y a un gars qui s'appelle Mister Franglish, il est fort. Toujours, ouais, c'est ça, ouais, il est fort. Ouais, je connais les Renois. J'ai écouté, j'ai fait, l'enfoiré. Il est fort. Il est dur. Toi, il est très fort. Il est dur, en fait, en vrai. Et voilà, pareil, je trouve pas assez connu à moi. Après, il faut que le temps se fasse. Mais voilà, mais je te laisse le micro. Tu vois. Ça va ou quoi, Fred? Bah ça va et toi? Ça va, ça va. Petite présentation, petit CV Express. Exact, exact. Bah, monsieur Franglish, pour ceux qui ne connaissent pas, on habite dans Paname, Batchem exactement. Bah, exactement. Du même quartier que Esprit Noir et Fresh, vu que je suis souvent avec eux. Qu'on salue d'ailleurs. Exactement. Et donc là, j'ai sorti une mixtape qui est sortie le 9 mars, Changement d'ambiance. De quoi, il y a 13 titres dedans. T'as qui? T'as Dadju, t'as Voodoo Bang, t'as Take Mike, tout ça. Donc les prods sont là, les sons sont là. Donc ça, on peut le trouver. On peut le trouver. Et bah, bienvenue aussi. Continuons avec Mister C. Mister C. Qui bonsoir, Mister C, le MC de Créteil City. Effectivement, je suis pas loin d'Yous. Ouais, parce que moi maintenant j'habite depuis quelques temps. Toi, t'as voyagé en même temps, toi. Hein, ouais, moi de toute façon, SDF, tu vois ce que je veux dire. Coup, je suis arrivé dans son quartier et bah, lui, il a toujours. Il m'a fait de l'ombre depuis. Ça représente le palais. Ouais, dédicace à Créteil Palais. Mais il a toujours cassé des bouches au micro et j'ai écouté récemment un truc où il a rappé sur Temps Mort 2.0. Ouais, Temps Mort 2.0. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout à l'heure, on va essayer de se l'écouter dans la nocturne, c'est incroyable. Ah oui, tout à l'heure. L'actualité, sinon, c'est l'EP Rapocalypse. Et en ce moment, il y a un clip qui s'appelle Avenir Incertain qui est sorti. C'est sur une prod de Saïd Demuro. Voilà, et c'est pour toute la jeunesse de France et tous les frères enfermés. Donc j'en place une pour Mani et pour Boubacar et tous ceux qui nous écoutent dans les pénitenciers. Allez, voilà. Bon, on t'écoutera aussi en live dans quelques minutes. On n'a pas été galant, Youssoufa, parce que regarde qui est derrière moi. Vraiment, on a été des goujats. Mais... Black Brut en tête, t'es le bâtard. Black Brut surtout, franchement. Non, mais. On a été des goujats. Plus jamais j'invite Black Brut. Plus jamais. Parce que il était ainsi confortablement ce qu'on a. On a aussi une sacrée kickeuse. Non mais une kickeuse sérieux. Ah, là aussi, je te donne mon micro. Tu la connais, Je l'ai croisé surtout dans les meilleurs endroits. C'est-à-dire que moi, les gens que je croise en concert, c'est généralement bon signe. C'est-à-dire que c'est des gens qui attendent pas d'être connus pour pouvoir aller sur scène. Les gens, ils aiment bien, ouais, je vais sur scène que quand je vais avoir le buzz max. C'est pas ça, tu vois. Faut commencer dur. Aller soulever les gens, aller. Exactement. C'est là que le challenge, il est même appétissant. Et elle, ben, s'appelle Siana. Je vais la laisser se présenter. Ça va, Siana? Ça va, merci. En pleine forme? Ouais, toujours. Toujours en tournée aussi à droite à gauche? Ouais, on continue les festivals. Encore une date avec Sopra et voilà. Une date avec Sopra aussi, ouais. T'as fait pas mal de premières parties de Sopra. Sopra qui booste aussi les artistes. En révélation, hein. Ouais, beaucoup. Et t'as toujours aussi un projet qui est dans les bacs, Siana. Oui, le EP Siana qui est dans les bacs depuis le 9 mars. Donc voilà. Bon, tout va bien. Ouais, nickel. Et moi, je vais dédicacer aussi l'équipe avec laquelle elle travaille. Il y a Seven, il y a Moran, etc. J'ai vu passer dans le coin. Ouais, voilà. Et puis d'une manière générale, dédicacer tout. Voilà, pareil, c'est pas de la démagogie. Moi, je parle vrai, c'est mon truc. Moi, pour moi, le rap en France, c'est cool Sony, c'est cool Universal, c'est cool Warner, mais pour moi, le rap en France, c'est d'abord GoldenEye. C'est d'abord 7ème magnitude, c'est d'abord Street Skills, c'est d'abord 609, c'est d'abord Beaumont et Musique, c'est d'abord Dean Record, c'est d'abord les gars qui font le terrain. Et voilà, tu vois, je fais insulte à personne. C'est eux qui mettent les mains dans le cambu pour justement révéler tous les artistes qu'on a autour de la table. Alors, les 1-6 Block Prod, etc. On va revenir juste après la pub. S'il manque encore des gens, on va les présenter juste après. Puis on attaquera le live aussi parce que. Ouais, on va se faire plaisir. Il va falloir qu'on speed un petit peu ce soir dans l'émission. Ouais, allez, au live. Allez, ne bougez pas, dans un instant on revient avec Youssoufa et ses invités. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Youssoupha pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap Youssoupha. Yeah. Youssoupha et ses invités, beaucoup d'invités. Beaucoup d'invités. On a commencé à en présenter avant la pub. Il y en a d'autres qui sont arrivés pendant la pub. Ouais, parce que le rap français va bien. Il y a Dinos Penchainovic qui est là. Penchainovic. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, Dinos. Ah bah tiens, vas-y, hop. Yo. Comment ça va, Dinos? Je m'entends pas dans le casque, mais ça me fait plaisir d'être là. Mais on t'entend, je te rassure, avec, on t'entend. Avec toute cette belle brochette de MC pour freestyler. Ça donne faim. Ça donne Dinos, faim. Quand il a dit brochette, j'ai eu faim. Ouais. Ouais, c'est vrai. Dinos, qu'est-ce qui se passe pour toi là? Premier album, on prépare le premier album, ça va être vraiment beau. À la rentrée beau, Le projet apparent, c'était très très lourd. Moi j'avais pécho ça, c'était vraiment très très lourd. En plus, il y a CHI qui produit dedans, mais très très lourd. Bon. Comme quoi, en plus, chez Golden Eye, ça fait des bons projets. Hein. Golden Eye Music. Malgré un patron un peu bizarre, franchement, ça fait des très très bons projets là-bas. Et puis il y a aussi Aladdin qui est là. Aladdin. Aladdin, il est où? Ouais, on est là. Ah, très très bien, très très bien. Aladdin, pareil, que je rencontre pour la première fois. Mais tu rencontres pour la première fois aussi. Frère, des fois, je vois des trucs, je kiffe en fait. Je dis, viens, frère. Donc, Aladdin, petit CV Express, qu'est-ce qui est sorti? Ça va, j'ai sorti une mixtape, Addiction, le 11 mai, qui est disponible sur Aladdin135.com en téléchargement gratuit. Et voilà, ça se passe bien, merci à Yous. Ouais, tu fais le Pan Piper là, non? Ouais, j'ai fait le Pan Piper 16 mai, c'était complet. Donc, j'ai Jossman avec moi en première partie qui a fait le taf. Et c'est ce que tu disais pour Senna, c'est important d'aller aussi tout de suite sur la scène. Tout de suite sur la scène, pas attendre d'être une star et de faire des zéniths, faut pas regarder Soprano. Soprano, il a 15 ans de carrière. Il l'a pas volé lui, donc cherchons pas à voler. Donc bien. Et bah donc à la c'est bien le blabla, mais on va cliquer, je crois. Je crois qu'on peut attaquer, non? Donc c'est sur le même instru? Ouais, moi je vais commencer, je vais faire ma version à moi, et puis après. Et après? Advienne qui pourra. Allez go, coup d'envoi Mist et au platine, on le salue aussi ce soir. Yeah, check 1-2. Mist au platine. Check 1-2, c'est la chanson française, mon frère. Le rap va bien, le rap va bien, le rap va bien. Yeah. Ce putain de rap, on le néglige, mais il avance. Et n'écoute pas les aigris qui viennent te dire qu'il était mieux avant. Ça devient du pur vice. Comme dit Alpha, je rappe sur le rap. Parce qu'à cause de lui, je n'ai plus de vie. MC ne teste pas. Pourquoi tu veux que la France respecte le rap? Puisque nous-mêmes, on ne le respecte pas. Faut pas qu'on reste calme. Méga bouge, toute ma carrière, je la dois au ménage à trois et à Diable Rouge. Est-ce qu'il y a du monde dans les studios de Skyrock ce soir? On vous avait dit que le rap allait bien. Le même amour mais pas les mêmes peaux. On court le même tempo. Congo, Kinshasa, Africa. Notre horizon est toujours vide. Je garde ma vision toujours vive. On dit que le rap est mort sans remords. J'essaie de toujours vivre, grandir. Mais j'ai visé les tops. Je suis tellement aiguisé, je te braque même pour du temps. Personne comprend les codes à part mes acolytes. Nique le proc, nique le protocole et nique la police. Infoli, gardez de la frappe, on fera tout pour. Dis-leur que le putain de rap sera toujours une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. C'est ça pour des millions. Arrive un peu comme une rébellion. On est à milieu d'un modèle qui s'en va. Pour certains c'est mortel. Mais on se rejette la faute quand tout part en couille et que c'est gore hardcore comme reconnaître. C'est pour les gros durs et les familles, les orduriers et les famines, les torturés, les fortunés, les gosses durs et les gamines. Les victoires de la musique c'est pété, c'est pas les Grammys. Ici c'est toujours autour de la cité que l'on gravite. C'est ghetto, c'est jeune en mandat. Le poids sur les épaules, les mauvaises peaux, on connaît. On a traversé le même mal, fais pas ta resta. Et si jamais on prend le mic, je rappe mieux que toi. Je pète la capsule avec mes riffs de Dakar. Putain quel rap de crapule, putain quel rythme de bâtard. Putain quel rythme de barbare, essaie de nous stopper si tu veux, où tu veux, redois. Quand tu veux. Ok, écoute bien. J'ai mon job à plein temps. Gratte mes poutres que part depuis presque 23 printemps. Yeah, ça commence à faire long, tout ce temps passé dans l'arène. J'ai sûrement arrêté le rap avant que le rap m'arrête. Est-ce qu'il y a encore du monde à Skyrock? Siana est derrière le micro, le rap va bien mon frère. Le rap va bien, c'est ça la chanson française. Yo, yo. Solidaire mais solitaire car l'un n'empêche pas l'autre. À cause de certains problèmes, je m'entête jusqu'à l'aube. J'ai vu des gens m'aimer vraiment et d'autres faire semblant. C'est cool de traîner sur les champs, mais pas sembler. À trop gueuler notre âge, est-ce qu'on s'entend? Pour mes proches et ma famille, je souhaite la santé. J'ai un but dans la vie, donc faut que je reste dans la surface. Je vais y aller solo, éviter les mauvais espaces. Je fais comme si, mais en fait je ne suis pas sûr du tout. À l'heure qu'il est, y'a qu'une Minerve qui me ferait tenir le coup. Comment veux-tu monter quand on te fait des coups bas noirs? Donc souvent coupable, t'inquiète bientôt je suis tout pas. À 16 piges, j'avais déjà ce que je voulais devenir. Sans jamais l'avoir vue un jour, j'espère qu'elle va revenir. Tu me vois comme ça, mais je cache ma peine depuis tant d'années. Inculpé pour incompréhension, 18 ans je suis condamné. Au ça. Ah gars, c'est ça gars. Dédicace à Stereo Blackstar. nouveau papa, c'est Saga, Mister 6 ailleurs. Ok, écoute, hey, diggity check le mic comme personne ne l'a jamais fait. J'kiffe dans le rap, tout papillon effet. J'kiffe authentique, tandis que les types sont dupes. Écoute, des types sans doute trop dupes pour faire de l'effet. Microphone check, microphone check. Le mic frappe sec, donc va te check. C'est quoi, le MIST revient de CK. Dédie ce cas à tous ceux qui kiffent le vrai son TK. J'fais mal comme les coups de matraque au man que la Pac May. Fuck les wack de cette époque et puis y'a Pac May. Potes qui veulent que j'croque le hip-hop, veut que je coque tous ces cacous qui jouent les coques. Mes photos c'est des tox, alors j'intoxique le bordel. FLOW, tout ce qui s'ensuit, l'armée tout ce qui s'essuie. Plus personne n'est sur le trône, plus personne n'a sur au chrome. Je vous blesse, ressortez les mercurochromes. Je nargue les narvalos, je suis nerveux dans mon art violent. J'énerve les morphes, ils m'en veulent, ils morflent, ils m'en faut peu pour les distancer. J'en tiens au moins 10 par son. Qu'est-ce t'en sais de mon CV garçon, je viens vous faire la leçon. Freestyler né, je mets des pattes à ton micro. Si le rap c'est n'est pas au niveau, le 6 ailleurs l'est. Donc t'étonne pas de voir tous les M6 alarmés. Je leur mets des punchlines pour ça que le son pisse dans leur nez. Je suis Mister C, le découpeur de mots. Les fous MC ont peur de moi et les jaloux me kiffent éperdument. C'est pas compliqué, ta rap tu cours, car t'avais jamais entendu de rap tout court. Six ailleurs au mic. On t'aura prévu l'ami, Harry Potter de mort. Harry Potter. Oh mon gabac Harry Potter. Yeah, pour les blacks, pas de taf, que du taf aux blacks, négro. Et pour les braques, les bavures se passent, pas de ces pros. Tout est sali, les poches trouées, flaques de pisse et mégots. Je m'ennuie dans les halls, grave tard, c'est nuit dans le ghetto. Et puis en tête pauvre, on s'impatiente en suivant les gros. Je reste fier, la tête haute, je la baisse pas enfouie dans l'épaule. Les erreurs se payent, nous rattrapent même en fuyant les fautes. Dis-toi que c'est des tours d'avance quand je suis dans le rétro. La street elle est fille, je suis ça speak, la sniff, virer les snitch, éviter les types en uniforme qui sur contrôle font vider les flics. Je suis bon qu'à killer des bites, je kick des bites, je tous les fits, je vise les pitres, bim bim, les yeux fermés pile dans la cible. Je viens de la tour Eiffel, d'où je viens la tour Eiffel. J'ai fait les 400 coups déchaînés, enchaînés, j'ai freiné. Je taffe mes défauts, des fois on s'invente pas des faux exploits. Je viens d'en bas, je vais t'aimer, je déploie les ailes, mais faut que je démonte les toits. La rue m'a eu, la thune ça tue. Petit mouton, t'as peur, tout le monde kiffe, poursuivre la thune ma plume. Même si je pouvais pour son père, je décrocherais la lune. Dans nos bleds sans électricité, y'a quelqu'un qui s'allume. Oh oh, pour aller voir, vide record. Yeah, yeah. Mon gars, LFT, Assis Block. Est-ce qu'il y a rock, y'a du monde ou quoi ce soir? Ouais. Yeah, yeah, yeah. Ok. Yeah. LEF, tu dans les parages. Yeah, yeah. LEF, tu 1-1. Négritude, c'est sorti, c'est là. Yeah, ok. LEF, 1-1. Assis Block, LFT. Yeah. Déraciné depuis des années, je ne fais que rimer pour m'exprimer. Autant dire que je suis surentraîné, je traîne mes écrits depuis la primaire. J'ai m'étais promis de finir premier, c'était sans compter sur les gouttes du sort. Me demandez pas si les gouttes de sang me rapporteront plus que des gouttes de sueur. Je n'ai pas de réponse, pas de pause. L'amitié ça vient, ça part, on se prend la tête, on s'adore. On se pavane, on se tape des barres, on se pavane, on s'adore. On se pavane, on se tape des barres, mais sur ma tête ce qu'on vous prépare. Certains ne s'en remettront pas, on se remet pas loin de là. Je bosse le jour et je bosse le soir. Ça fait plus d'un quart de siècle que j'attends mon quart d'heure de gloire. Je fais mon son, c'est passionnel. Sur ma feuille, je suis au petit soin. Je vivais sur le regard des gens, j'aurais fini opticien, crois-moi. Merci, yeah. Si je vivais sur le regard des gens, j'aurais fini opticien, crois-moi. Yeah, c'est du gros. Oui, pour l'instant. Ça s'appelle Lies on Me, mais il ne sortira pas chez Tetro. Yeah. Ah, mon gars, dis-nous. On est là ou pas? Golden Eye Music, le rap va bien, mon frère. Les rats, je ne m'appelle pas. Ma mère m'appelle Jules. Les gros m'appellent Dinos Punchlineovic. Je viens de la Courneuve, les 4000. Yo, je viens du Cameroun, je viens d'Afrique. T'as fait. La lumière m'obscurcit, le noir m'illumine. Ils m'ont dit de marcher ou de crever, alors j'ai marché sur une mine. Yo, pareil que je vais en vrille, qu'il faudrait que je croie en la vie. Mais c'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai pas envie. Alors s'il te plaît, laisse-moi déverser toute ma rage. Je ressens ça quand tout va bien, car je me sens bien quand tout va mal. Je pourrais perdre une tonne de larmes quand je sais qu'au bled ils appellent Dieu pour qu'il leur envoie des Western Union. Donc c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer tume qui prend l'homme. Ou peut-être la mer à boire, mais c'est la mer à voir. Ouvre-toi, il fait si froid dans ma vie, à qui je dois m'identifier. Y'a pas de Renoir dans la Bible. Écoute, je le reflète de mon époque, alors quand je me regarde dans le miroir, mon seul regret c'est d'avoir un miroir. J'ai mal à voir, je cours après le bonheur, mais je sais même pas où il se trouve. Enfin, je fais semblant de pas savoir. Dans cette triste époque, quand le sage monte la lune, sache tout dit, Joe vide ses poches. Donc vous n'êtes pas Charlie, juste les drôles de dames. Pendant que tante Marianne se fait baiser par oncle Sam, les ongles sales côté passager. Pourquoi certains naissent sur un piédestal? Les oreilles du Seigneur sont-elles impénétrables? Okay. Je veux pas mourir de cette manière, moi. Dans cette prison de 10 cm avec une pomme croquée à l'arrière. On m'a rappelé que l'Afrique a une forme de gun. Non, elle a une forme de cœur, mais l'autre moitié a été arrachée. Je nous envoie ravi pour être tout inventé pour nous faire souffrir. Même une taxe pour entrer au paradis. Ils veulent me faire croire que j'ai perdu ma femme, mon gosse et mon job avant même de les savoir. Mais c'est qui ils? C'est qui les nôtres? C'est qui les leurs? J'ai du respect pour Égoué, mais tu sais, j'écoute pas la rumeur. Que personne ne bouge, ça serait pas très malin. J'ai le Coran dans ma Bible, j'ai une kippa sous ma djellaba. C'est ridicule, mais je crois que le crime paie. Il est 5h59, on en reparle dans une minute. Jules Jombi. Fais du bruit pour Dido Spencer. Le rap va bien, mon frère. Black Brut est dans la place aussi. Ça vient d'où, Jossman? Yeah. Le rap va bien, mon frère. Hey, yo, what's up, just fucking man. Yeah. Hey yo, what's up, just fucking man. J'arrive en force, en feu, ils ont des plus gros dorsaux au poam. Je fais des meilleurs morceaux qu'eux, j'ai beaucoup de flow, j'ai beaucoup de technique. En plus, je suis grave précis, donc pas besoin d'être agressif pour qu'ils apprécient. Et je me déguise pas, je reste vrai, je reste délicat exprès. Je suis efficace, qu'elle une petite tasse qui ne mérite pas le respect. Donc me compare pas, je suis pas comme eux, t'es moi, je prends l'ascendant. Car ils font tous la même chose, car il faut être dans la tendance. En attendant, je fais le taf, les mecs rap, je m'esclave, donc laisse place, je m'exclame. Les mecs flamme, les jets de flamme, alors c'est mort, maintenant j'ai pris les devants. Et je crois qu'il est temps de mettre les bouchées doubles, fini la dilettante. Ça y est, j'ai mis les gants de boxe. Violent comme Hancock ou Bangkok. T'écoutes mes rimes, ça t'arrache les oreilles comme Van Gogh. Et je suis le meilleur par déduction. Rap séduction, l'éloquence est élégante. Ça y est, la prod est en cloque, nègre. Les mecs poussent, peuvent pas négliger mon écriture. Gros big up à Youse, allez soutenir Négritude, nègre. Ok, just fucking match. Black Brut, on s'arrête Black pas, Brut. Le 9-1 est là. 1er juin, Mr. Al. Monsieur L. Mr. L. Yes, chef record. Mr. L. Écoute, L. Oh. La danse de la falra. Écoute comment on fait. L. T'as reconnu le timbre de voice. T'as reconnu la gimmick Youse. Un couplet de boss qui fera plaisir à ton public. Technique et flow, je manie. Si le rap est un jeu, je suis sponsorisé par Konami. Je peux te taper quand je veux. Tu pensais me la mettre à moi? L. L. Mais comment te dire que t'es ridicule? Pour éviter ne serait-ce que tu me mettes un doigt. Je me suis fait faire une ablation de l'arrêt du cul. En juin, je sors ma galette. Il y aura une fève dans chaque part. Je suis l'invité surprise que tu n'attends pas comme le Shakhtar. Couplet, pleine lucarne. Contre-pied, goalkeeper. C'est vrai que j'arrive un peu plus tard. N'empêche que je suis un gros kicker. Laisse-moi reprendre mon souffle. Ouais, ça sent le point de côté. Une dédicace à Youse qui n'a jamais boycotté. Je gratte ce texte une heure avant l'émission. Je n'avais pas le temps cet après-midi. J'étais occupé. J'aime trop les nichons. Ils ont tous le même flow. Ils font des duplicata. Le rap français actuel, en gros, se résume à pipi caca. Mais je te sers toi tes red locks, j'te pour les étrangler. En une minute à peine, chanson française, j'ai les effets trembler. Mr. L, faites du bruit pour Black Brut, s'il vous plaît. Black Brut, dans les bras, Monsieur L. Le gars là-dedans, il est dans la place. Je sais que Franklin se rapproche. Eh, ça s'arrête pas, il va être classique. Le rap vaut bien, le rap va bien, le rap va bien. Yeah, let's get it. Yeah, let's get it. Yeah, Négritude, bitch. Yeah. Ok, it's the month, yeah. Yeah, aïe. Tiens, Mr. Franklin. Un bonhomme, on a notre propre sécurité, donc fuck les CRS. Je suis dans les soirées, s'il y a du riche et de la CLRS. Les hustlers en Twingo rêvent du dernier CLS. Mercedes, trop de terre, mec, il me faut ma Mercedes. Yes, mec, le coin est urbain, pas rural. Si on se prend des portes, c'est normal que la rue râle. Derrière nos JS, 31 se font les plans. Blé, Bocaf s'est fait crier. Blé, mauvais père, prends une balle. Blé, l'argent sale est parfois meilleur que leur salaire. C'est de la gomperie salée, de la frappe ou salée. Et on doit rien à personne à part au fisc. Ils vont encore nous ruiner ce mois si c'est putain de fisc. On est là pour faire du bif comme Chini, t'aimes pas. J'rappe sale, c'est comme ça que t'aimes ou que t'aimes pas. C'est la merde, j'fais pas de papier donc j'suis au bout du rouleau. J'vais pas finir comme Coolio, mais le contact j'suis pas réroule. Jour et nuit j'enquête avec mes compadres. J'ai que ma mère comme padre, unique tu ne peux comparer. Ça parle de plan machiavélique après avoir pu le verre. Au coin de la rue j'ai rodable le civil en pull au vert. Nigga, bitch. Du bruit. Ah, mon gars Aladdin. Aïe. On s'arrête pas quand même, le rap va bien, ce freestyle va devenir classique. C'est parfois j'en ai marre du rap, je vais tous les mettre dans une voiture noire. Ils vont crier d'appeler le 17. Ma mixtape est un braquage dans le rap lyrique allemand. Je mets des patates dans le crâne, ils parlent allemand. Ils veulent du calme, des cachets et des calmants. Pareil qu'on parle de moi du nord au sud de Paris. Pareil qu'ils m'ont vu là, mais j'y étais pas, je te le promets. Par Caro avec Zerti, on parle de tous nos projets. Y'a des réussites, des échecs, c'est les coups durs de la vie. Une énième tentative de les braquer comme d'hab. J'ai la haine, le port d'armes, trop d'appels dans le portable. Il ferait mieux d'appeler leur padré. Ils s'inquiètent pour eux, mais ils pensent à rien. Nique sa mère, ils fument des joints. Demain, ils prendront des cachets sans même penser à Dieu. Que ma force aille à Panama, on fera bientôt du bénéf pour de vrai. Non, non, non, je veux rien savoir. Je veux des BMW, des grosses paires pour mes grosses pointures. Mes gosses perdus depuis le collège qui voient que la race humaine se prostitue. Je les entends dire, et Aladdin, il a changé. Je crie nique ta mère dans le microphone, je te barre la route dans le rap des morts. On me dit que je suis étonnant, que dans ce rap, je suis le métronome hors norme. Mais les gars, j'ai les cartes, j'ai les gagnes, j'ai les commandes, ordonne. On me dit que je suis impérial, normal, j'ai des textes, des tonnes, bonhomme. Et si je refuse de Péra, c'est l'effort de Peg, Jonah. Bref, négritude à aller chercher. Du bruit pour mon gars, Aladdin. L'Antis, on est paré ou quoi? Ice. Ok, vas-y. Kataïus, Ice, German. Sur mer. Yeah. Force frère, le rap va bien. Mes paroles valent cher. Yeah, ok. Yeah. C'est ça même. Le rap va bien, Yeah. Le rap va bien, Un, deux. Yeah. Le king est dans la zone, mais toujours un peu plus sale. M'en finissent mes projets, approche, j'essuie ma sandale. J'suis le yeur, mais griffé comme un rital. J'suis le pote et le comé, on n'a pas le même grade. Hein, j'déboîte comme le pili-pili. Mon pétard attend les guiri-guiri. Audi sport coupé, pétard, on va s'accoupler. Pourrissons vos couplets, la prochaine fois écourtée. J'ai pris le seum, ils disent qu'il pèse, j'peux pas tolérer. Ironique comme un manchot qui en a rien à branler. La roue tourne, mais cependant mes boucles tournent. Envoie la monnaie ou char le clic, boum. On est les mêmes phéno, moi et mon pote Véno. Big Tali Negro, Booba Jazz, hello. Hein, nique le maire, c'est comme ça mon frère. Nafissa tout n'est même plus ménagère. Yeah. Du bruit dans les studios, l'homme qu'on appelle l'homme arrive. Yeah, DJ Miss la légende aux platines. On faisait des planètes rap avec des gros freestyle il y a 10 ans et aujourd'hui, regarde la relève comme elle est haute. Le plan c'est l'end, 10 motherfuckers même en freestyle. Les gens ne comprennent pas pourquoi le comité m'a prise place. J'ai plus d'un 16 dans ma carrière. Eh, ce n'est que le début, car je viens exploser barrière. Y'a pas le temps, le hip-hop m'a fait les yeux doux. J'suis toujours partant, j'suis le rookie qui vient semer le doute. Et trop de pros comme mon rap, j'accouche d'une autre petite devenue grand. J'écrivais déjà sur mes couches culottes. J'ai plus de place pour tous ces PD. Et quand les 10 prend le mic, ils finissent tous par crier Mayday. Que du propre sûr. Que du propre sûr, appelle-moi Anakin, basculer du côté obscur. Et pour les faire taire, faudrait-il que j'en bute un. Ma prose de One Piece, ils veulent tous rafler le butin. J'ai pas fini, en fait ce n'est que le début. L'avenir est bronzé aux yeux clairs et cheveux crépus. C'est nous la chanson française. Faites un maximum de bruit pour tous les MC qui étaient derrière le micro ce soir. C'est... Et une spéciale pour DJ Misk. Tu te rappelles quand on était ici en 2006, quand on faisait les gros freestyles, c'est à l'époque où on avait encore du souffle. Et ben là, tu vois, c'est peut-être des MC que vous connaissez pas. Il y en a pas beaucoup qui ont des albums, qu'un. Mais en tout cas, voilà, ça valait la peine de les entendre. Et on va même les entendre encore d'autres nocturnes. Et même en airplay sur Skyrock bientôt. Le rap va bien, mon frère, faites du bruit pour lui parce qu'il est ici. À l'instant en live. Grosse session live avec tous ceux qui sont passés dans ce Planète Rap. Merci à vous tous. Lololo, DJ Miss, il y avait Lantis, il y avait Alivor, il y avait Siana, il y avait Jossman, il y avait Mister Cisailleur, il y avait Monsieur Mister R, mon gars Black Brut qui était là aussi, j'en oublie, il y avait Alain. Tu vas en oublier, Mister Dinos. Franklish, il y avait Dinos qui a cassé ça bien. Non, il y avait. Non, j'ai oublié. Il y avait un poteau qui est venu. Non, c'est bien. Bon, en tout cas, c'était une super semaine. Avant de se quitter, on avait dit qu'on mettait le morceau. On écoutera les 5 titres tout à l'heure dans la nocturne. Exactement. Les 5 versions, puisqu'il y a 5 versions en tout. Les 5 versions, voilà, t'as vu. Spécial juste. Là, c'est deux dédicaces. Spécial dédicace à Esprit Noir qui fait bientôt son concert, qui sort son projet, qui n'a pas pu venir. Spécial dédicace à Giorgio qui est en concert aussi. À Tito Prince qui n'a pas pu venir. Ça aussi, c'est le rap qui va bien. Et puis voilà, ce soir, je serai dans la nocturne pour écouter justement ce genre d'artistes sur leurs morceaux. Et puis voilà. Hein. Et puis là, je vois qu'on est à quasiment 500 retweets. Continuez à retweeter mon truc parce que voilà, vous êtes parfait dans le timing. Normalement, à 500, j'ai pas recompté, mais à 21h, il y aura un nouveau clip. Normalement, il y a le clip de Où est l'amour qui arrive. Vous êtes vraiment dans le. Les gens, ils étaient en train d'écouter le freestyle et là, ils passent à. Et bah, très bien. Je voulais saluer aussi Philo qui est arrivé pendant. PHLO, le boss de Boma et Musique. Lui aussi, tu vois, on parlait du futur du rap français, mais à un moment. Lui a fait des belles heures du passé du rap français, mais avec nous, parce que si on est dans ce Planète Rap là, c'est parce qu'il est producteur chez Boma et Musique. Il me produit depuis que je suis plus jeune. Depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai 17 ans, donc c'est pas loin en fait. C'est pas loin, ouais. Et franchement, merci en tout cas à lui, Lassana, toute l'équipe, DJ Miss qui était derrière les platines, Sam, Cespi, toute l'équipe Boma et Musique. J'ai une équipe de fous. Et voilà, si j'avais j'aime pas être moraliste, mais si j'avais un conseil à donner en tout cas aux plus neugeux, essayez de pas changer d'équipe. Essayez de pas changer d'équipe. Moi, j'ai pas changé d'équipe depuis 15 ans, 16 ans. Et même et en quand traversant, ça allait mal, ouais, en traversant ouais, des même, sacrées même périodes. Quand quoi. Ça allait mal, restez fidèles à vos équipes. Si jamais c'est vos équipes, assumez-les jusqu'au bout. Allez, on écoute le morceau. Je voulais aussi rappeler que la prochaine date, justement, pour retrouver Youssoupha en concert, ce sera le 30 mai au Plan. Il y a une grosse tournée, hein. Toutes les dates seront sur les réseaux sociaux. Ouais. Bah, on peut filer au moins le mois de juin. Le 2 juin, tu es à Calais, au centre culturel, Gérard Philippe. Le 5 juin, à l'Embarcadère d'Aubervilliers. Ouais. Ensuite, à Montréal, au Canada, le 13 juin. Le 2 juillet, au Europe Corps de Paris. Et 19 juillet au Festival de Dour. Et puis d'autres ouais. dates, hein, plein, ouais, plein, le plein Zénith dates. En novembre, le 10. Ouais. Et voilà, il y a le patron qui veut dire quelque chose, t'as vu. C'est lui qui me nourrit, non, t'as vu, je suis obligé filo, de dire une chose, hein, je voulais vraiment remercier Youssoupha pour la confiance qu'il a en moi depuis des années. Et voilà, quoi qu'il arrive, je suis super heureux de pouvoir faire sortir cet album-là. Et de continuer l'aventure, quoi, Boma et Musique, quoi, jusqu'à la mort. Philo, un petit freestyle, tu veux qu'on. Non, non. On a tous entendu les jeunes, là, t'as vu. Déjà, moi, j'ai chaud, alors Philo, j'imagine même pas. Mais en tout cas, pour le symbole, les gens nous soutiennent de fou. L'album s'appelle Négritude, l'artiste s'appelle Youssoupha, le label s'appelle Bomaye. Et au moment où on parle, on est numéro un des ventes en France. Et on apprend que le symbole. Et wow. On va continuer à applaudir parce que la France est championne d'Europe des moins de 17. Ah bah on continue. Donc voilà, c'est pour 4-1 contre l'Allemagne. Ah bah c'est pour célébrer tout ça. C'est pour célébrer. Voilà, ouais, quelle belle semaine. Ah la grave. Et le clip de Où est l'amour, je crois qu'on a dépassé les 500 retweets. Donc allez, on met le morceau. Voilà. Et on écoute Point Commun et on sera dans la nocturne tout à l'heure. On fait tourner la roulette et tu seras même chez Difool aussi, je crois, ce soir. Ouais. Quelle soirée, Youssoupha. Pour le bien commun. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Gagner des batailles de nos propres mains, de nos propres mains, de nos propres mains. C'est les aventures extraordinaires de Bac Harry Potter, Bomaye Musique. Cherchons pas nos failles, Birma Stakwa depuis le day one. On change pas une équipe qui craille, Kinshasa Karma. L'école n'a rien pu faire, vite cancre. Certains frères, vite cancre. J'esquive les ennuis, donc toute la nuit, moi, je vide l'angle. Et je rappe pas pour vite vendre. Je gratte dans ma petite planque, charbonne et cablonne. Mon album sera le Big Bang. Le Big Bang est posé CHI à la machine. Moi, si j'étais Kaiser Soze, il serait Kobayashi. Donc imagine que je rappe encore debout face au monde entier. Moi, j'ai dû faire le double pour qu'on me donne la moitié. Je m'en fous du quartier, il réduit nos limites. Gros, il crée des polémiques. Gros, et je te le redis au micro. Mais pourquoi tu fais le dur? Les mecs sont fiers de leur département comme si leur daronne taffait à la préfecture. Je viens taffer dur pour pénétrer dans les livres. Je connais des illettrés qui savent bien lire entre les lignes. Je me livre véritable et vaillant dans ma fonction. La douleur est inévitable, la souffrance est une option. Prime parolier. Travaille pour le bien commun. Yeah. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Slam d'un gagnonnaire. Bataille de nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. De la Vega. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. DJ Mir. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Troisième underground, c'est la mafia Masuba. Sénégal business. De nos propres mains. Les anciennes stars me trouvent suspect. Je suis tombé, je me suis relevé. Eux ne se sont jamais relevés de leur succès. Vu que c'est juste une éphémère life. Tu touches le ciel et disparaît comme un avion Malaysia Airlines. Je cours entre les red lights. Fuck la vie des connaisseurs. Moi, j'ai appris que l'échec est le meilleur des professeurs. Quoi, ma vie est trop nickel. J'suis peut-être un génie qui roupie et qui finira dans l'oubli comme Sixto Rodriguez. En attendant, y'a les rageux qui deviennent comme fous. Attendent impatiemment que mon retour s'arrête. Vous vous moquez de moi parce que je ne suis pas comme vous. Moi, je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils. Tout pour le paraître, en effet. Pour avoir ce que t'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Peu importe les défaites, tout reste possible. Pas de mauvais regard quand tu gagnes, moi je gagne aussi. Pas carré moteur. Travaille pour le bien commun. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Ça même. Gagner des batailles de nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. De nos propres mains. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. À la salle Konaté. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Gagner des batailles de nos propres mains. Règle cuisinier. De nos propres mains. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. Une spéciale pour mousse. Cherchons pas Amadou, Fidipé, Almami, des batailles de nos propres mains, Christian le Pirate, talent de Kina, la Sana, Diakité, Fred le Géomètre, Parfait Comique, PHILO, des batailles de nos propres mains, de rythme, parolier le lyriciste de Pantou. Négritude, négritude. Un écritude, le mot fait 10 lettres. Check, j'suis qu'un arabe qui parle au petit nègre. Enlève ta capuche du sweet Tiffen. Car les flics ne tuent pas que les blancs comme au barrage de Stevens. Tu lances des pics, petit, qu'est-ce tu es? Sur le trône du rap, j'place des pics anti-SDF. Oh, je cache mon jeu comme des règles dans un slip Bordeaux. Et le rage, mets pas mon clip sur ton site porno. Tout est permis, casting de cubénien. Interdit d'interdire, freestyle œcuménique. La prochaine fois qu'un tweet nous traitera de sale gorille, tu te rappelleras qu'un crouille a inventé les algorithmes. RT, Jazz, NGRTD, Artec, l'art, l'armée, l'arpège et les RTT. Oh, différentes tracks sur un même album. Car si le renard a plusieurs ruches, le hérisson en a qu'une bonne. Le Planète Rap avec ce morceau donc qui s'appelle Point Commun, il y a 5 versions. Ouais. Donc là c'était avec Medine. Grave, c'est totalement aléatoire selon l'exemplaire que vous. Ça c'est assez dingue quand même. Hein. Non, c'est une super idée, hein. c'est un truc qui a été fait. Une première mondiale. Même au States. Non mais Kanye West, nous t'attendons pour que tu viennes nous piquer l'idée, qu'on te prenne. Il y a la monde Kanye, Jay-Z, Puff Daddy, tout le monde. Tout le monde, qui viennent et tout ça, la 50 Cent, tout ça là. Non, on est vraiment fiers. Ouais, et puis, c'est une bonne idée. Merci aussi, une spéciale dédicace à Believe Digital qui distribue notre disque, qui a pris le. D'habitude, les gens sont frileux sur ce genre d'idée. Eux, ils ont totalement joué le jeu comme sur l'album en général. Et puis vous inquiétez pas, ce soir vous aurez les 5 versions dans la nocturne juste après Difool. Intégrale. Puisque Youssoupha reviendra tout à l'heure. Ouais. Et tu vas même passer chez Difool, je crois, il me semble. Ouais, ouais, peut-être que je traque des gens, tu vois ce que je veux dire. En fait, en vrai, peut-être en fait j'ai changé d'avis, mais on va en parler tout à l'heure. Et dans la radio libre. On fait tourner la roulette avant de retrouver justement toute l'équipe, c'est parti. Je m'appelle Max. Skyrock t'offre le Max Fury Hero de ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. C'est Manon qui vient faire tourner la roulette d'Atis Mons. Comment ça va, Manon? Salut Fred, ça va? En pleine forme? Ouais, en pleine forme, ouais. Je te présente Youssoupha, qui a les lunettes qui tombent. Bonjour Manon, tu sais que tu m'as déstabilisé, je mange mon micro. Bon Manon, est-ce que tu es prête à faire tourner la roulette? On y va, c'est parti. Ouais, je suis prête. Allez, le film événement, le film Skyrock. Je trafique la roue pour toi. Je trafique la roue pour toi. Bien, bien vu. Quel beau stop, mais tu es même en équipe pour faire ce stop. Mais grave, je suis avec mon petit frère. Avec le frangin. Ouais. Il s'appelle comment, Manon? Il s'appelle Pierre. Et bah Pierre et Manon. Manon et Pierre, vous repartez avec 5 places de ciné, donc vous pouvez même inviter des potes pour aller voir Mad Max au ciné, le film Skyrock qui est sorti il y a une semaine maintenant. Un peu plus. Je peux faire une petite dédie, fan? Ouais, vas-y, on t'écoute Manon. Ouais, je fais une petite dédie à mon cœur Bébou, à Alice, Anthony et Nadia, et surtout à mon groupe de projet pour Meda. On part dans 2 heures. Vous partez où? On part à Amsterdam dans 2 heures. À Meudin, genre tu connais pas. Non, mais tu connais pas, Fred. Oh, l'hypocrisie. Non, si j'y suis allé une fois pour les musées. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, c'est connu pour les musées en plus, tu sais. Bah, le musée Van Gogh. Ouais, bah oui, voyons. Le musée Van Gogh. Ouais. C'est ça, ouais, c'est effectivement. J'ai passé des moments merveilleux à Amsterdam. Merveilleux, merveilleux. Tu planes dans les musées là-bas. Ah, bah, je sais pas, moi, je ne veux pas dire qu'il est au musée du cannabis. Il y a le musée du cannabis. Excusez-moi d'intervenir. Oui, je suis désolé, Difool, on était en train de finir de conclure et tu arrives d'un seul coup. J'aime bien la voix d'outre-tombe. Et on fait quand même un bisou à Manon et bon voyage, Manon. Bon voyage, Manon. Merci beaucoup. Et éclate-toi bien, on te filera quelques adresses si t'es intéressé. Ouais, non. Deux, trois choses bien à voir à Amsterdam. Qui est la voix d'Outre-Tombe? Voilà, il est là, on l'entend. Salut Youssoupha, salut Fredo. Ça va bien? Comment ça va? Le chef d'équipe. Ah, parce qu'on est en retard, c'est pour ça. Désolé. Une petite précision sur les musées que va visiter Fredo quand il va à Amsterdam. Je vais souvent dans Amsterdam. Bien sûr. Vous aussi, dites-nous dans quel musée vous allez quand vous allez à Amsterdam. Et la dernière fois, j'ai fait du vélo à Amsterdam. Ouais, c'est ça. En bouffant de la mimolette. On y croit tous. On y croit tous. Bien sûr. Non, j'avais pris une omelette aux champignons. Ça m'a... Ah ouais, aux champignons, ouais. C'était bon champignon. Ouais, c'était local, quoi. C'était un truc particulier. Omelette locale, champignons locaux. En tout cas, voilà. En tout cas, c'était une belle semaine. Ouais, c'était une super semaine. vraiment une super semaine. Ils sont morts de l'autre côté. Non, moi je trouvais que c'était nul. Qui a parlé? Karim est toujours aussi drôle, comme vous l'avez remarqué. Non, mais je sais pas, personne n'a parlé. J'ai essayé de combler un peu le vide. J'ai les noms. Oh, bah je te les donne à Youssoufa, tu sais, on est complices. Pas de problème. Ah ouais, je te jure, Poucave, t'es direct. T'es la grosse Poucave, il en a rien à foutre. Non, tout à l'heure, je viendrai vous saluer. Bah, j'espère bien, Youssoufa. J'espère que tout le monde est là. Pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes trois. Ouais, mais c'est des révélations, en fait. Parce qu'on a un éclopé qui a mal supporté une piqûre d'hier, mais on en reparle dans un instant. Ouais. Ça s'est passé. Ça l'a rendu malade, Samy. Ah non, mais tu vois, j'ai bien fait de pas le faire, votre truc de piqûre. T'aurais dû le faire, justement. Non, mais ça, je me méfie, moi, de ces trucs de piquouse. La piqûre contre l'allergie, a priori, il a mal supporté. C'est ça. Mais on prendra des nouvelles dans un instant. À part ça, Romano va arriver, j'espère qu'il n'a pas peur de toi, Yous. Non, mais de toute façon, j'ai des révélations, je crois que. La nuit, la semaine porte conseil, tu sais, j'ai été pas mal apaisé par cette semaine Planète Rap et j'ai peut-être des révélations à faire. C'est bien placé la semaine, Youssoufa. Ouais, ça s'est très bien passé. Excellent. L'album est numéro 1. L'album cartonne, on a des super retours, etc. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pour ça que je vous dis, j'ai peut-être des révélations. Peut-être que je me sens apaisé finalement dans mon cœur ce soir. Ça fait plaisir. Ah. Voilà, je viendrai en parler tout à l'heure. Eh bien écoute, viens nous voir vite. Et Fredo, le retour tout à l'heure à minuit. Avec Youssoufa. Avec Youssoufa en plus. En plus. Ouais, grave. Non, mais je suis apaisé tant maintenant. Qu'à faire. Fred m'accepte maintenant. Quand je suis quelqu'un de bien maintenant. C'est plus Skyrock, Skyus. Ouais, c'est Skyus. Ah oui, c'est une grosse soirée, Youssoufa, là. Ouais, je te jure. Vivement le week-end. Hein. Ah ouais, premier sur Youssoufa. Et après le week-end, lundi, dans Planète Rap, Fredo. Lundi, c'est DJ Amida qui débarque. DJ Amida. Je suis déconnecté. Voilà, qui a fait le gros carton de l'été dernier. Grave. Et ben il va remettre ça cette année. Et il va remettre ça avec Cameroun notamment. Et on est sur Paname. On est sur Paname. Pourquoi se priver? On est sur Paname. Ah, on découvrira l'un des gros cartons, à mon avis, de cet été, DJ Amida, dès lundi. Et bien on sera là aussi dès lundi, Fred. Merci. On sera tous en direct lundi soir. Hein. 20h-21h, Planète Rap, 21h-minuit, la radio libre. Parce que c'est la journée des petits vieux. Oui, c'est la journée fériée. Ah oui, c'est vrai. Solidarité, nous, on est solidaires. Oui, bien sûr. On est solidaires. On viendra leur reverser notre salaire. C'est ça. Merci, Youssoufa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On arrive tout de suite pour la radio libre. C'est parti. Radio libre jusqu'à minuit. C'est en direct sur Skyrock. Vous pouvez nous appeler 01 53 40 30 20. Ciao.